Chapitre XVI. Nouvelle méchanceté du cher ange. La mère faiblit encore. Les jours suivants se passèrent assez bien. Sauf quelques petites gâteries mystérieuses du père, sauf quelques faiblesses presque imperceptibles de la mère, tout alla régulièrement. Gisèle ne se laissa pas aller à de grandes colères, à des impertinences trop marquées, à des résistances trop soutenues. Léontine redevenait triomphante, elle recevait les compliments de sa tante, de son frère, de ses sœurs. Gisèle perdait de sa physionomie arrogante, moqueuse, révoltée. On commençait enfin à croire à une réforme complète. Le père redisait sans cesse « Quel amour d'enfant !» La mère l'appelait plus que jamais son cher ange, son cher amour, et Gisèle n'en abusait pas. Mademoiselle Rondet n'avait non plus porté aucune plainte contre Gisèle. Un jour, jour fatal, Mademoiselle Rondet entra chez Léontine d'un pas précipité, l'air mécontent, le regard irrité, les lèvres serrées. Léontine trembla. « Hélas, pensa-t-elle, il y a quelque chose de grave. »« Que désirez-vous, chère mademoiselle ?» lui demanda Léontine de son air le plus gracieux, de son sourire le plus bienveillant, afin de l'adoucir par avance. Mademoiselle Rondet. « Je prie madame de lire ce papier que j'ai trouvé en rangeant les cahiers de mademoiselle Gisèle. » Léontine prit le papier et lut « Portrait de mademoiselle Rondet. »« Mademoiselle Rondet est une bête. »« Mademoiselle Rondet est un hérisson. »« Mademoiselle Rondet est une vipère. »« Mademoiselle Rondet est un crapaud. »« Mademoiselle Rondet est un bouledogue. »« Mademoiselle Rondet est un diable. »« Elle est laide comme un diable, méchante comme un diable. »« Je la déteste comme un diable. »« Elle m'ennuie. » Elle m'embête, elle m'assomme. Léontine était atterrée. Comment expliquer cette nomenclature injurieuse? Comment excuser Gisèle et calmer mademoiselle Rondet? Ma chère demoiselle, balbutia enfin Léontine, Gisèle est si jeune, c'est une espièglerie, un enfantillage. Pardonnez-le-lui, je vous en prie. Mademoiselle Rondet, je ne demande pas mieux que de le lui pardonner, madame, mais il faut au moins qu'elle m'en témoigne ses regrets. Et qu'elle redouble de docilité et d'application pour me faire oublier cette impertinence. Léontine. Mon Dieu, chère mademoiselle, il ne faut pas croire que ce soit de l'impertinence. Gisèle ne pensait pas que vous puissiez jamais voir ce papier. C'est un enfantillage. Ne croyez pas qu'il y ait eu d'intention méchante, je vous en prie. Elle est devenue si bonne. Mademoiselle Rondet. Elle est certainement améliorée, madame. Mais il y a du relâchement depuis 2 ou 3 jours. Elle n'obéit pas. Ses devoirs sont mal faits. Je suis obligée de gronder, et c'est probablement ce qui m'a valu cette jolie page de son écriture. Léontine. Je vais lui parler, chère mademoiselle, et je vous l'enverrai repentante et docile. Mademoiselle Rondet se retira à moitié satisfaite. Léontine sonna. Dites à mademoiselle Gisèle qu'elle vienne me parler de suite, dit Léontine. 2 minutes après, Gisèle entra. Gisèle. Vous me demandez, maman, je suis accourue bien vite, comme vous voyez. Léontine. « Tu es bien gentil, cher amour. Dis-moi, mon ange, pourquoi as-tu écrit tout ceci sur cette feuille que mademoiselle Rondet vient de m'apporter ?» Léontine lui fit voir le papier. Gisèle s'en emparant. « Ah, mon Dieu, elle l'a trouvé ! Pourquoi aussi va-t-elle fouiller dans mes tiroirs ? Je ne veux pas qu'elle les ouvre, et je vais le lui défendre. » Léontine. « Gisèle, ma Gisèle chérie, comment parles-tu ? Lui défendre ? Est-ce que tu as le droit de lui défendre quelque chose ? » Gisèle. « Je ne veux pas qu'elle touche à mes affaires. » Léontine. « Mes chers enfants, il faut bien qu'elle regarde à tes cahiers, qu'elle les corrige en t'attendant, qu'elle voie s'ils sont bien rangés. » Gisèle. « Est-elle bien furieuse ?» Léontine. « Furieuse, non, mais très mécontente. Elle compte que tu lui feras tes excuses. » Gisèle. « Ah, par exemple, des excuses. Elle les attendra longtemps, mes excuses. Je dois porter ce papier aux Champs-Élysées. Toutes mes amies doivent apporter aussi les portraits de leur maîtresse. Nous lirons tout ça, ce sera très amusant. » Léontine. « Oh, Gisèle, ne fais pas cela, mon enfant, ce serait très mal. Si les maîtresses viennent à le savoir, elles seront furieuses pour le coup. Elles ne voudront plus vous donner de leçons. » Gisèle. « Ah, il n'y a pas de danger, elle meurt de faim. » Léontine. « Vois comme tout cela est mauvais. Vous manquez toutes de respect et de reconnaissance envers vos maîtresses, parce que vous croyez qu'elles ont besoin de vos leçons pour vivre. D'abord, cela n'est pas. Elles ont beaucoup d'autres élèves. Et quand cela serait, n'es-tu pas honteuse de profiter de la pauvreté d'une personne bien élevée, instruite, complaisante, pour l'humilier, la peiner, parce que tu la crois sans défense ? Gisèle, je ne dis pas. mais je ne veux pas lui faire d'excuses. Léontine. Mais Gisèle, comment veux-tu qu'elle continue à te donner des leçons après avoir trouvé et lu ce papier ? Gisèle. Qu'elle fasse semblant de l'avoir oublié. Léontine. C'est impossible, mon enfant, impossible. Voyons, Gisèle, va lui dire en l'embrassant que tu es bien fâchée de lui avoir fait de la peine, que c'était pour rire, pour t'amuser que tu as écrit ces bêtises. Gisèle. Je ne veux pas l'embrasser, elle sent trop mauvais. Léontine, souriant. Eh bien, ne l'embrasse pas. Dis-lui quelque chose d'aimable, qui ressemble à des excuses. Gisèle ne répondit pas. Elle quitta sa mère d'un air boudeur et entra dans la chambre d'études. Léontine écoutait et n'entendait rien. Quelques instants après, Mademoiselle Rondet rentra. « Madame, je viens vous annoncer qu'à mon grand regret, il m'est impossible de continuer les leçons de Mademoiselle Gisèle. » Léontine. « Comment ? Pourquoi ? Gisèle ne vous a-t-elle pas fait des excuses qui devaient lui faire pardonner son enfantillage ?» Mademoiselle Rondet. « Les excuses de Mademoiselle Gisèle aggravent sa faute, madame. Elle m'a dit, « Mademoiselle, je suis bien fâchée que vous ayez trouvé et lu le papier que vous avez montré à maman. Vous n'auriez pas dû fouiller dans mes tiroirs. Je ne veux pas que vous touchiez à mes affaires. Ce n'est pas pour vous que j'avais écrit ce papier, c'est pour mes petites amies des Champs-Élysées. Vous pensez bien, madame, que je ne puis accepter la position que j'aurais à l'avenir près de Mademoiselle Gisèle. Je vous prie donc, madame, de vouloir bien régler nos comptes, car je ne pense plus revenir chez vous. « J'en suis désolée, chère demoiselle, » répondit tristement Léontine. Elle alla prendre de l'argent dans son bureau. « C'est 10 leçons que je vous dois, mademoiselle. Voici 60 francs. Croyez à tous mes regrets de perdre vos excellentes leçons pour ma fille. » Mademoiselle Rondet salua et sortit. Léontine entra dans la chambre d'études. Il n'y avait personne. Elle dit au domestique d'aller chercher Mademoiselle Gisèle. « Mademoiselle Gisèle, votre maman vous demande, » dit le domestique en entrant chez Gisèle. « Gisèle, dites à maman que je suis sortie. Je pars à l'instant avec ma bonne. » Le domestique. « Mais, mademoiselle, puisque vous n'êtes pas encore sortie, il faut toujours que vous alliez parler à madame qui vous demande. » Gisèle. « Du tout, du tout. Je sais pourquoi maman me demande. C'est à cause de cette sotte, mademoiselle Rondet. Ce n'est pas pressé du tout. Allez, Henri, allez, et dites bien ce que je vous ai dit, sans quoi... » Gisèle n'acheva pas. Un doigt menaçant compléta sa pensée. « Sans quoi je vous ferai chasser, » se dit en lui-même Henri. « C'est toujours le même gentil caractère. » Henri exécuta les ordres de Gisèle et annonça que mademoiselle était sortie. « Sortie, c'est singulier, » dit Léontine. « Pourquoi s'est-elle tant pressée ?» Léontine alla chez son mari. Il était occupé à faire des comptes. Léontine. « Victor, nous voici encore dans un grand embarras. Grâce à Gisèle, mademoiselle Rondet est partie. » Monsieur de Gerville. « Qu'est-ce que cela fait ?» Léontine. « Comment ce que cela fait ? Gisèle n'aura plus de leçons. » Monsieur de Gerville. « Je ne vois pas grand mal à cela. Elle est raisonnable. Elle peut travailler avec vous. » Léontine. « Impossible. Elle ne m'écoute pas. » Monsieur de Gerville. « Alors rendez-lui mademoiselle Rondet. » Léontine. « Mais puisque mademoiselle Rondet ne veut plus venir. » Gisèle a écrit 50 sottises contre elle, et de plus, elle ne veut pas lui faire des excuses. Monsieur de Gerville, que voulez-vous que j'y fasse ? Prenez une autre maîtresse. Léontine, Victor, que tu es désagréable. Au lieu de me donner un conseil, tu prends la chose avec une indifférence incroyable. Monsieur de Gerville l'embrassant. Voyons, Léontine, ne me gronde pas et raconte-moi ce qui est arrivé. Léontine lui raconta en détail ce qui venait de se passer. Que faire maintenant ? Je ne veux pas laisser Gisèle injurier ses maîtresses sans la punir. Monsieur de Gerville. « Punir, punir, tu n'as que ce mot à la bouche. La faire pleurer, la tourmenter, pour quelques drôleries écrites dans un moment d'humeur, contre une sotte femme qui ne sait pas la prendre et qui ne lui passe rien. Laisse tout cela. La Rondet est partie, cherche-en une autre, et dis à Gisèle de ne pas recommencer. Voilà tout. » Léontine. « Mais Victor, si je ne la punis pas de son impertinence, Gisèle recommencera avec une autre, et puis elle en fera autant vis-à-vis de nous. » Monsieur de Gerville. « mais non, sois donc tranquille. Une maîtresse, ce n'est pas comme un père et une mère. » Léontine. « Ah, Victor, tu as bien vite oublié ce que t'a dit Gisèle, il n'y a pas 15 jours. » Monsieur de Gerville. « Je n'ai rien oublié, mais je ne veux pas que ma fille soit malheureuse chez moi. Et je te prie sérieusement, Léontine, de ne pas prendre au tragique une espièglerie dont tous les enfants se rendent coupables. » « Que faire, mon Dieu, que faire ? » s'écria tristement Léontine. « Je vais aller voir Pierre et ma tante de Montclair. Ils me diront si je dois fermer les yeux ou punir. » Et sans attendre la réponse de Victor, Léontine alla mettre son chapeau et son mantelet. Elle ne tarda pas à arriver chez son frère, qu'elle mit au courant des nouveaux méfaits de Gisèle. Pierre réfléchit quelque temps, ne sachant quel conseil donner devant la faiblesse persévérante de Victor et la volonté si chancelante de Léontine. Pierre, il y aurait bien un moyen à employer, mais c'est un grand parti à prendre. Ni Victor ni toi-même, vous n'en aurez le courage. Léontine, quoi donc, Pierre? Que veux-tu dire? De quel parti parles-tu? Pierre, de mettre Gisèle au couvent jusqu'à sa première communion. Elle a près de 11 ans. Elle aurait 2 années de couvent qui lui feraient grand bien. Elle en sortirait corrigée de sa désobéissance, de sa violence et de son impertinence. Léontine. Jamais, Pierre. Non, jamais je ne me séparerai de ma fille. Pierre. Dans ce cas, il faut que tu te résignes, ou bien à être plus que ferme, en raison des habitudes prises dès l'enfance de Gisèle et qui sont difficiles à réformer, ou bien à laisser Gisèle faire toutes ses volontés et devenir de plus en plus mauvaise, impertinente et insupportable. Choisis entre les deux. Il n'y a pas d'autre résultat possible. Léontine. Pierre, tu es trop décourageant. Je vais aller voir ma tante de Montclair. Elle me donnera un conseil moins dur que le tien. Pierre. Essaye, ma bonne Léontine. Tant mieux si elle peut te venir en aide avec des moyens plus doux. Mais le mal est ancien. Il date presque de la naissance de Gisèle. La réforme n'est pas facile. « Papa, papa !» s'écria Georges, qui entra en courant. « Gisèle est arrivée, elle est pleine de boue et d'égratignures. Tous les enfants l'ont battue, elle criait. Ma bonne l'a emmenée, elle est dans la chambre. » Léontine poussa un cri et se précipita dans le corridor qui menait chez les enfants. Pierre la suivit, Georges courut après. Cet événement si extraordinaire l'intéressait beaucoup. Quand Léontine entra chez les enfants, on venait d'enlever à Gisèle sa robe pleine de boue. La bonne voulait lui laver le visage, mais Gisèle criait, se débattait. Pierre la saisit, et malgré sa résistance, il lui lava la figure à grande eau. Il vit alors qu'il n'y avait aucune blessure sérieuse, mais que les égratignures étaient en nombre considérable. Léontine, plus morte que vive, voulut l'embrasser, la serrer dans ses bras, mais Gisèle la repoussait et ne voulait même pas répondre à ses nombreuses questions. La bonne de Georges et d'Isabelle parvint enfin à se faire entendre. La bonne. Quand Mademoiselle Gisèle est arrivée aux Champs-Élysées, monsieur, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Les miens en étaient. Mademoiselle Gisèle avait apporté un papier qu'elle a lu au plus grand. Les uns riaient, les autres lui faisaient des reproches. Ensuite, Mademoiselle Gisèle a proposé, à ce qu'il paraît, de faire les portraits des papas et des mamans. Les autres n'ont pas voulu. Mademoiselle Gisèle s'est mise à faire le portrait de son papa, mais je n'oserais pas le répéter car c'est trop vilain. Elle a ensuite voulu faire celui des papas de ses enfants. Ils se sont fâchés, elle a continué malgré leurs défenses et leurs menaces. Ils se sont alors tous jetés sur elle pour la faire taire de force. Elle s'est roulée dans un endroit qu'on venait d'arroser et qui était plein de boue. En se roulant, elle continuait à crier des sottises sur les parents des enfants. La colère les a pris, ils ont voulu lui fermer la bouche avec leurs mains, et comme elle se débattait, elle a attrapé pas mal de coups d'ongles, comme monsieur peut le voir sur sa figure. Pierre. Mais où était donc sa bonne quand tout cela a commencé? La bonne. Elle était allée faire une commission. Elle m'avait prié de garder Mademoiselle Gisèle avec les miens. C'est qu'elle n'est pas trop facile à garder. Elle s'échappe, malgré vous. Et je ne pouvais pas laisser mes pauvres petits dans la foule pour courir après elle. De sorte que j'étais bien embarrassée quand je l'ai vue rouler et secouée par ses enfants, filles et garçons, qui étaient hors d'eux de colère, d'entendre insulter leurs parents. Et puis, indignés qu'ils étaient déjà des injures dites à monsieur de Gerville et à la maîtresse, mademoiselle Rondet, que plusieurs de ses enfants connaissent et aiment bien. J'ai confié mes enfants à un sergent de ville, un brave homme que mes enfants aiment beaucoup et qui les connaît depuis longtemps. Et j'ai couru délivrer mademoiselle Gisèle. Le sergent m'a aidé à les ramener ici, et je l'ai prié de prévenir la bonne que mademoiselle Gisèle était chez nous. Léontine. Comment cette vilaine Émilie a-t-elle abandonné ma pauvre Gisèle à ses méchants enfants? La bonne. Il paraît que c'est mademoiselle qui lui avait donné l'ordre d'aller lui acheter quelque chose qu'elle voulait avoir. Du reste, ses enfants ne sont pas méchants, madame. Ils jouent entre eux et avec les miens, très gentiment. Mais c'est que la colère les a pris quand ils ont entendu mademoiselle Gisèle parler de leurs parents comme elle l'a fait. Léontine. Souffres-tu beaucoup, mon pauvre ange? Horriblement, répondit Gisèle, qui ne souffrait que très légèrement. Pierre, avec indignation. Tant mieux, méchant enfant, je voudrais te voir souffrir bien réellement, et au lieu de ces égratignures qui ne sont rien, te voir défigurer pour mettre ton visage en rapport avec ta vilaine âme, ton méchant cœur. » Léontine. « Oh, Pierre, que tu es cruel !» Pierre, vivement. « Cruel, pour une petite malheureuse qui a la méchanceté d'injurier son père 100 fois trop bon pour elle et de blesser les bons sentiments de ces pauvres enfants que j'aime et que j'estime pour avoir maltraité et battu ta méchante Gisèle. « Habillez Gisèle, que je l'emmène !» dit Léontine hors d'elle. « Nous ne pouvons pas rester ici. » « Pierre, tu as raison. Va continuer ton œuvre chez toi, aidée de ton mari. Venez, mes chers petits, venez voir votre maman et vos bonnes tantes. » Pierre sortit avec ses enfants, sans même jeter un regard sur Léontine et sur Gisèle. Aussitôt que Gisèle fut habillée, Léontine l'emmena. Quand elle rentra à la maison, son mari était sorti, la bonne n'était pas rentrée. Léontine fut obligée de garder Gisèle. Elle aurait voulu pourtant se recueillir et penser froidement et sensément à la conduite de Gisèle. Mais la présence de sa fille la troublait et elle remit à plus tard la tâche de débrouiller les torts de chacun.